réfléchis, assis face à la mer. Il voit son Algérie, cœur sanglant sur la terre. Il a les larmes aux yeux, Marseille s'est endormie. Il vague comme il peut, son bateau c'est l'esprit. Sa vieille djellaba, il l'a toujours portée. Comme ton costume de soie, ton jean se délavé. Et quand il a souffert au rire des imbéciles, son visage berbère parlait toujours kabyle. Surtout ne l'oublie pas, car tu es né de lui, dans ta banlieue petit gars. Si un jour tu l'oublies, tu auras tout perdu, ton père, ta mère, ta terre. Et si tu n'en peux plus, repense à ton grand-père. Ici, travailler pour le pain. Ses nuits, ses insomnies, ses soucis quotidiens. Sa vieille djellaba, elle les connaît par cœur. Il venait de là-bas, il pleurait comme tu pleures. Quand je dis il pleurait, il pleurait comme la pluie. Je veux dire, il disait tout ce qu'on n'a pas dit. Travailler pour le pain, s'éteindre de fatigue. Ton grand-père comme le mien reste le meilleur guide. La vieille djellaba, toujours contre sa peau. Tu n'es pas de là-bas, mais tu es de sa peau. Et les yeux du vieil homme, tendus vers l'horizon, ont le regard du homme qui écrit cette chanson. Je veux dire en cela, ouvrez tout grand vos yeux. La vieille djellaba, écorce du bon Dieu, c'est l'amour d'un soldat qui déteste la guerre. C'est ton cœur quand il bat, c'est l'âme de ton grand-père. S'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez de mentir. Mourir n'est pas un drame, s'exiler, c'est mourir. Le mot intégration est un mot de raciste. Cette terre, c'est ton nom, ta joie et ton supplice. Et ne l'oublie jamais, ce vieux djellaba. Il est porte-secret, il est ton vrai combat. Moi qui suis né d'ici, qui m'en vais voir ailleurs, je porte son Algérie comme on offre une fleur. Dis gars dans ta banlieue, n'oublie pas ton histoire. Un jour on devient vieux, un jour il se fait tard. La vieille djellaba, c'est tes yeux merveilleux. N'oublie pas, petit gars, tu es l'eau et le feu. Et le vieil homme se lève, tourne le dos à la mer. Marseille se réveille, il commence à sauter. La vieille djellaba, portée par le soleil, le ciel de haut en bas s'éclaire d'un arc-en-ciel. Surtout ne l'oublie pas, surtout ne l'oublie pas, surtout ne l'oublie pas. Thank you.